suis le clown caboche. J'ai mis ma tête en poche. Je suis gentil. Mais tu fais des bêtises. Mais non, je suis gentil. Tu fais des bêtises. Non, non, non, non, je suis gentil. Tu fais des bêtises. Mais non, je suis gentil. Je suis le clown caboche. Tous les petits m'approchent. Je suis gentil. Mais tu fais des bêtises. Mais non, je suis gentil. Tu fais des bêtises. Oh, je suis gentil, je vous dis. Tu fais des bêtises. Mais non, je suis gentil. Des bêtises. J'ai mis mon nez rouge qui danse et qui bouge pour apprivoiser petits et grands. J'ai mis mes savates, un nœud pour cravate. Je suis beau. Pour être imbécile, c'est pas difficile, il suffit de parler comme un sot. Les mots galipettent quand je me trompette, et voilà. Je suis le clown caboche, j'ai mis ma tête en poche. Je suis gentil. Mais tu fais des bêtises. Mais non, je suis gentil. Mais tu fais des bêtises. Oh, mais non, je suis gentil. Mais tu fais des bêtises. Gentil, je vous dis. Des bêtises. Je suis le clown caboche. Tous les petits m'approchent. Je suis gentil. Mais tu fais des bêtises. Mais non, je suis gentil. Mais tu fais des bêtises. Ah, je suis gentil. Tu fais des bêtises. Gentil. Des bêtises. Oh. Un rien de malice, un peu d'artifice pour éclairer les yeux des enfants. Un petit sourire, un éclat de rire, que c'est bon. Je suis un artiste, un équilibriste, sous le grand chapiteau de ton cœur. Un peu de magie pour nourrir nos vies de couleurs. Je suis le clown caboche, j'ai mis ma tête en poche. Je suis gentil. Mais non, je suis gentil. Ah, je suis gentil, je vous dis. Mais non, je suis gentil. Je suis le clown caboche, tous les petits m'approchent. Je suis gentil. Tu fais des bêtises. Mais non, je suis gentil. Tu fais des bêtises. Ah, mais non. Tu fais des bêtises. Mais non, je t'assure, je suis gentil. Des bêtises. Oh. Des bêtises. Mais non, je suis gentil. Des Et je suis très beau aussi. Des bêtises. Maintenant, je fais jamais des de bêtises. Je suis surtout des très bêtises.